Tinda traversé Kinshasa, mon argent fini ma Tinda. Aïe aïe aïe, pas moyen, mon argent fini ma Tinda. Pas moyen de tourner l'Oméo. Ah ma Tinda, estrogné. J'arrivais à Nigeria, qui déplaçait pour Zanin. J'ai suivi à Cotonoué, qui est parti à Lagos. J'ai suivi à Niamey, oh, Matinda pour y partir Bamako. Tu m'as déçu Matinda, aïe aïe aïe, pas moyen. Tu es arrivé à Ouagadougou, tu montais très pour Abidjan. Abidjan, Libreville, j'ai suivi Matinda au Congo. J'arrivais à Brazzaville, oh, Matinda traversait Kinshasa. Mon argent fini Matinda, aïe aïe aïe, tourner l'homme. foto tia na moto ya mbeto kombo nanga lokasa ya mbongo e tango na zali koyeba mae toninga na miso e nyango ya naninga na zuwa na mema ngambo mbako makola kisanga misapi mwana mabe Amba bolingo, bina nyekese. Amba bolingo, bina

international, jusqu'à l'Angleterre, à Paris, international. Yeah, yeah, yeah, yeah, sala nanoki poto balana e o mama o tonton modiso ye ye ye ye mala pansi akozela e ye ye ye ye sananoki poto balana e Thank you. bapesa yo kombo ya esi samba leke na kitoko na ye kobotama ngala kufelaka yo mama o samba leke mboka ezamba leke Oh mama Dikanga inaluka mbongo na bala yo Tozonga mboka ezamba leke Oh mama Dikanga inaluka mbongo na bala yo Tozonga mboka ezamba leke Balongolie Lokoro moko Balongolie Mopanzi moko Balongolie Mosapi moko Ae Ae Yona yeo Yona ye Suka seni wae Ae Ae Toi et moi Toi et moi La fin c'est la mort Nambaleke Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'African All-Star 79, votre pièce préférée, revient à la charge. Eh bien, pour cette fois-ci, il vous présente sa nouvelle vedette, le chanteur à la voix angélique, Jesse Kanta Niboma. Maman, moi je commence à voir peur de toi. Je commence à voir peur nuit et jour la mosée en bas. Retourne chez moi la maison et on va s'enfermer dans la chambre en bas. Oh maman, chérie en bas. Yo en bas, yo en bas. Oh maman, chérie en bas. Toi en bas, toi en bas. Oh maman, chérie en bas. Comme nous nous aimons beaucoup, chouchou je porte la ferro, tu vas en bas, tu m'as tourné la tête, tu vas en bas, j'ai oublié l'école, j'ai fui la maison. Tu vois comment je souffre à cause de toi là-haut, chérie en bas, oh maman, chérie en bas, aladi baba, aladi baba, maman. Chérie Ambaye Lo katembongo, mama Chérie Ambaye Estronye Asombele Le cœur d'enfant de quelqu'un, au moins le mien, ça commence à compliquer les choses. Écoute-moi en bas, j'appelle les ancêtres. Pour faire les gris-gris, les petits chers m'ont demandé de laver le corps avec le vin de palme, trois noix de cola. Avec trois bougies, pour retourner ma chance. Chérie en bas, yeah, yeah, oh maman. Chérie en bas, oh moi n'a dit deux, maman. Aladi baba, aladi baba, mama, chérie Ambaye. Moi je commence à comprendre, comprendre toi, chérie Ambaye. Moi je commence à comprendre, manœuvre à toi, chérie Ambaye. Parce que mon rival a beaucoup d'argent. Il a acheté des parcelles, il a construit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Aladi baba, aladi baba, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Kiamangana, kiamangana, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Taboule yo, taboule yo, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Rombo makiadi, longu makiadi, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Moribal a pas trop d'argent et il a acheté trois parcelles. Il a construit trois étages. Oh, Marie-Valio. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Oh, chérie Ambaye. Il m'a levé à cause de l'argent. À cause de l'argent. Jamais d'avoir jalousie à côté. Oh, oh, chérie Ambaye. Moi je n'ai pas comme ta banque. Mon rival n'est pas de moyens. Oh. Il a acheté trois parcelles. Oh. Pour trois parcelles, il a construit trois étages. Oh, oh, Marie-Valéo. Reviens, reviens, chérie Ambaye. Reviens, reviens, chérie Ambaye. Oh, il m'a levé ton compte de l'argent. Eh. J'aimais d'avoir jalousie à côté. Oh, oh, chérie Ambaye. Mon rival a trop d'argent et il a acheté trois parcelles. Oh, trois parcelles. Il a construit trois étages. Oh, mon rival. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Embrassez-moi, chérie Ambaye. Oh, chérie Ambaye. Il m'a enlevé à cause de l'argent. À cause de l'argent. J'aimais d'abord jalousie à côté. Oh, oh, chérie Ambaye. Locataire, bongo, l'inspecteur. Assombré. bongo eh ambala ndimbongo eh amba sibila amba oh ambala ndimbongo eh ambala ndimbongo eh iba iba ya motema oh amba sibila ya liba ya motema oh ambala ndimbongo eh mama la pisto eh amba sibila eh asombele asombele asombele mwana mama asombele asombele asombele asombele asombele Bongola

habiller mon femme. Mon femme il est joli, il porte le robe, il porte le pantalon, tout la chose il porte. Mais seulement mon femme il ne connaît pas préparer. Quand il est parti marcher, il fait tout ce qu'il avait. Et pourquoi moi tout la chose j'ai frappé lui à la vie. Toi, la vie. dans sa petite voix qui me vient de loin. Quand elle m'appelait, moi à mon amour. Thank you. peut me consoler. À qui me confier, qui peut me consoler. L'amour est aveugle, l'amour n'a pas de race. Reviens dans mes bras, la jolie rose de mon cœur. À qui me confier, oh loulou, qui peut me consoler. On ne partage jamais l'amour à deux. Oh dis Fifi, loin de toi ma chérie, tu m'as rendu malade maman. Dernier. bango bayoka masio. Lucas aja oitia ie pepe fa obetia ye o bebe tia ye mo kana ide muso forse kadichema ni ide muso forse kadichema bre bre ko ko grali Lucas ago ko kala saiba ko cheba koro na iba amuso la we ko ye meni mo iba ki ide muso di cheba proma o fana ma de wale aya itesi aya itesi aya itesi aya itesi Bye. chef.